1985, Michael Jackson sortait la chanson We Are The World au profit de l'Afrique. Exactement. Voilà. Alors, il y avait aussi We Are The World et j'ai vu c'est ça d'ailleurs. We Are The World. Excuse-moi. Et j'ai vu une parodie avec l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux tu vois Donald Trump, Poutine, Benjamin Netanyahu et tous les autres, le patron du Hamas et tout le bordel. Et ils sont tous en train de chanter ensemble là. J'ai voulu plomber l'ambiance. C'est vraiment de l'intelligence artificielle. C'est assez bien mais fait. Mais on aimerait bien que ça chante que ça se calme. Et puis que ça se calme surtout là. Ah oui, d'ailleurs, si vous les croisez ces gens-là, dites-leur de se calmer en urgence. Merci beaucoup. Bienvenue sur M Radio. Bonjour la France, il est 6h46. On continue, on ne s'arrête pas. Voici Daniel Balavoine, mon fils, ma bataille. Ça fait longtemps que t'es parti. Maintenant je t'écoute démonter ma vie en pleurant. Si j'avais su qu'un matin je serais la salie, jugée sur un banc par l'ombre d'un corps que j'ai serré si souvent pour un enfant. Bienvenue, bonjour, il est 6h49, c'est l'heure de l'horoscope en 60 secondes chrono et on commence comme tous les matins par les béliers. Alors les béliers, je vous le dis, ne forcez rien, laissez les choses venir à vous. Les taureaux, vous serez l'élément sérieux, sûr et stable du groupe. Gémeaux, l'amour se trouve dans les petites choses. Les cancers, côté finance, une opportunité intéressante se profile. Lion, rappelez-vous que la perfection n'existe pas. Les vierges, votre curiosité est à son apogée. Les balances, vous irradiez de bonheur et ça se voit. Les scorpions, les astres vous poussent à être plus transparents. Sagittaire, n'ayez pas peur de prendre des responsabilités. Les capricornes, écoutez ce que votre cœur veut vraiment. Restez attentifs, les Verseaux, au signe du destin. Les poissons, la chance est au rendez-vous, alors saisissez-la. On va écouter Cookie Dingler, Femme libérée avant les infos de 7h. Et juste après les infos de 7h, on va jouer comme Céline de Périgueux hier, qui a gagné. Et oui, elle a gagné 250€ de cartes cadeaux à dépenser sur spartoo.com, ce qu'elle a joué au 3 sur 5 avec nous. Exactement, Maïsa. Bonne chance à vous, vous nous appelez 3618, c'est le M Radio Réveil jusqu'à 10h. Et on part pour 30 minutes sans pub dans moins de 2 minutes. Ça vaut le coup. M Et vous savez quoi? Avec la carte de fidélité Bricomarché, c'est 100% bon plan. Plus vous bricolez, plus vous économisez. Ce week-end, 10% de vos achats sont crédités sur votre carte à partir de 50 euros. Attendez, je gagne 10% sur ma carte dès 50 euros d'achat? Et en plus, elle est gratuite et valable dans tous les rayons. Ah ouais, ça vaut vraiment le coup de venir chez Bricomarché. Bricomarché, votre réussite, c'est aussi la nôtre. Offre valable les 8 et 9 mars dans les magasins ouverts et sur bricomarché.com. Dans la limite de 10 000 euros d'achat, conditions et magasins participants sur bricomarché.com. Je suis beau, je suis grand, je suis fort, je récupère mon énergie en seulement 28 minutes, je suis Papy Michel qui fait la sieste le dimanche. Eh non, Martine, je suis le nouveau Skoda Elroq et sa recharge rapide de 10 à 80% en 28 minutes. Nouveau Skoda Elroq 100% électrique. À découvrir dès maintenant en concession, à partir de 299 euros par mois. LLD 37 mois pour un Elroq 50 jusqu'au 31 mars. Apport de 0 euros après bonus écologique jusqu'à 4 000 euros déduits selon conditions d'éligibilité. Si accord par Volkswagen Bank. Conditions sur skoda.fr. Skoda. Pensez à covoiturer. IKEA. Mon cœur, t'as vu mon portable? Il est là. Et mon ordi? Juste ici. Et ma casquette? Sur ta tête. Oh. La vie est plus simple quand tout est bien rangé. Jusqu'au 25 mars chez IKEA, profitez de moins 20% sur notre système de rangement modulaire Besto avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr. Vos travaux, votre projet maison, nos collections, nos carrelages en promotion. En mars, ce sont les jours TVA offerte chez Hyper Ceramica. Oui, le leader italien du carrelage vous offre la TVA sur tous ses carrelages. Alors, venez vite concrétiser vos projets. Rendez-vous jusqu'au 31 mars chez Hyper Ceramica. 5 showrooms à Paris et région parisienne, ouverts 7 jours sur 7. Trouvez le plus proche de chez vous sur hyperceramica.fr. Voir conditions en magasin. Hyper Ceramica. Mr.Portail.com. Besoin d'un portail aluminium de qualité, créé pour vous sur mesure au millimètre près et entièrement personnalisable? Bienvenue sur Mr.Portail.com, le spécialiste du sur-mesure. Portail coulissant, battant, portillon, accessoires. Créez votre devis gratuit en ligne via notre configurateur parmi nos milliers de combinaisons de formes, de design, de couleurs. Mr.Portail.com, un très bon rapport qualité-prix avec le laquage garanti 10 ans. Depuis 2017, le spécialiste du sur-mesure, c'est Mr.Portail.com. S comme S-Line, mais aussi comme surclassement. Jusqu'au 31 mars, l'iconique finition Audi S-Line, avec son style affirmé et son ambiance sportive, est offerte sur une large sélection de modèles. Votre prochaine Audi S-Line n'attend que vous. Finition S-Line offerte sous forme d'avantage client pour toute souscription d'une offre en LLD dans le réseau participant, si acceptation par Volkswagen Bank. Voir modèles éligibles et conditions sur Audi.fr. Retrouvez vos partenaires Audi en Ile-de-France sur Audi.fr. Pensez à covoiturer. Envie de passer du rêve à la réalité? Du 1er au 31 mars, Mobalpa vous offre la TVA pour concrétiser votre cuisine de qualité. Voir conditions en magasin. Mobalpa, unique comme vous. Élu meilleure chaîne de magasins 2025, catégorie mobilier et décoration. Retrouvez les magasins d'Île-de-France sur mobalpa.fr. Dans moins de 60 secondes, retour du M-Radio Réveil de Vincent Cerutti et Isabelle Giammi sur M-Radio. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault Clio Full Hybrid E-Tech. Jusqu'à 900 km d'autonomie sans recharge et jusqu'à 40% d'économie de carburant. Existe aussi en motorisation EcoG à partir de 160 euros par mois. Pendant les portes ouvertes du 13 au 17 mars, 2 mois de loyer offert. Selon version et conduite, économie versus moteur thermique, Renault Clio Evolution EcoG 100 euros option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2500 euros. Troisième et quatrième loyer offert. Si accord Diac. Offre à particulier du 13 au 17 mars. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Pourquoi venir chez Castorama, spécialement ce week-end? Parce que c'est le bon moment pour réaliser enfin tous vos projets à petit prix. Ce week-end et jusqu'à lundi seulement, chez Castorama, c'est 20 euros offerts en carte cadeau par tranche de 200 euros d'achat, valable sur tous les produits et même sur les promos. C'est le moment d'en profiter. 20 euros offerts tous les 200 euros d'achat, c'est exceptionnel. Et ce n'est que jusqu'à lundi, alors on se dépêche. Offre réservée aux porteurs des cartes de fidélité, voire conditions en magasin et sur castorama.fr. M Radio Paris, M-Radio. 102.7. M Radio. Il nous faut du temps, des insomnies, des engueulades, des retrouvailles à la bougie. Il nous faut du vent, un peu de pluie, de longues balades et pas de bruit, non pas de bruit. I know what you mean, thinking of us. We're in a bar, people are just looking at you as usually. And why do you care? Is it too much? I need to know.

Merci d'avoir choisi M Radio. Femme libérée, Cookie Dingler, c'était en 1984. M Radio, il est 7h. M Radio. Et malgré l'actualité, ce sera un bon vendredi, un bon week-end, parce qu'on l'a décidé. M-Radio. 3618 touche 1, on vous offre 250€ de cartes cadeaux sur spartoo.com. Et pour l'heure, Isa, on retrouve Manon Bacourt pour les infos. Bonjour Manon. Bonjour Isabelle, bonjour Vincent, bonjour à vous. Une matinée sous le soleil sur les trois quarts de la France. Le ciel restera lumineux du Pays Basque de France et de la Côte d'Azur au Grand Est. Temps nuageux en revanche sur le Nord-Ouest. La pluie persistera aussi au pied des Pyrénées. Cet après-midi, le Languedoc essuiera des averses avec des vents assez sensibles. Les maximales afficheront 17 degrés à Paris et à Nice. Il fera 20 degrés à Auxerre. Emmanuel Macron persiste et signe. La Russie représente une menace existentielle pour l'Europe, a lancé hier le chef de l'État depuis Bruxelles. Déclaration en marge d'un sommet européen exceptionnel où les 27 ont approuvé un plan à 800 milliards d'euros pour renforcer leur défense. Le président a qualifié également Vladimir Poutine d'impérialiste révisionniste. Une réponse à son homologue russe qui s'était moqué hier de ceux qui veulent retourner au temps de Napoléon, pique directement adressé à la France. Il n'y aura pas une, mais bien deux prisons de haute sécurité afin d'accueillir les détenus les plus dangereux du pays. Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais dès cet été et Condé-sur-Sarthe dans l'Orne à l'automne. Annonce hier soir de Gérald Darmanin, 200 narcotrafiquants sont concernés. Ils seront soumis à des conditions très strictes dans des établissements totalement hermétiques, promet le garde des Sceaux. Un fonds de secours de 200 millions d'euros mobilisé pour la Réunion une semaine après le passage du cyclone Garance. Manuel Valls est sur place depuis hier pour rencontrer les sinistrés. Le ministre des Outre-mer promet que les dispositifs de reconnaissance de l'état de catastrophes naturelles et de calamités agricoles seront rapidement mises en œuvre. Des milliers de foyers sont toujours privés d'eau et d'électricité. Le procès de Joël Le Squarnec se poursuit. L'ex-chirurgien est jugé depuis 2 semaines à Vannes devant la cour criminelle du Morbihan, accusé d'agression sexuelle et de viol sur près de 300 patients. Hier, les premières victimes ont témoigné à la barre. De son côté, le septuagénaire s'est dit prêt à reconnaître certains faits. L'audience va durer 4 mois. Le verdict est attendu en juin. Nouveau revers pour SpaceX. L'entreprise d'Elon Musk a encore perdu contact avec le deuxième étage de sa méga fusée Starship. Le vaisseau avait explosé en plein vol lors du dernier essai mi-janvier, entraînant une pluie de débris au-dessus des Caraïbes. Et puis c'est l'équivalent des Césars dans le monde du jeu vidéo, Manon. Prince of Persia's Lost Crown a été sacré jeu français de l'année hier lors de la cérémonie des Pégases à Paris. La création d'Ubisoft Montpellier repart au total avec 4 trophées, meilleur game design, meilleur univers sonore et meilleure accessibilité. Ils sont là sur M Radio jusqu'à 10h. Vincent Cerutti et Isabelle Jamy. Merci beaucoup Manon, à tout à l'heure. 6h, 10h, Vincent Cerutti et Isabelle Jamy. Et le grand très grand Lucas. Salut. Tiens, je vais vous parler dans un instant d'une vente insolite. Il y a des ventes insolites comme ça. On se dit, mais comment ça se fait qu'ils ont vendu un truc pareil? Oh, mais ça, c'est fou, ça. Bah, j'adore, moi, les ventes insolites. Bah, ça arrive, là, tout de suite. Là, je vous le dis après. Laurent Voulzy, le pouvoir des fleurs. Avec le retour des allergies, c'est d'actualité. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs. Jasmin, lila, c'était nos divisions, nos soldats. Pour changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes. Fall. si ce n'est que partie remise. Par les couleurs, les accords, les parfums, changer le vieux monde pour faire un jardin. Tu verras le pouvoir des fleurs. Y a une idée partout dans mon air. Changer les âmes, changer. Vous êtes sur M Radio, bienvenue, bonjour, merci d'être avec nous, c'est la saison 5 du M Radio Réveil. Dans un instant, les Enfoirés, le concert aura lieu ce soir sur TF1, et oui. 6h-10h, M Radio, Vincent Cerutti, Isabelle Giammi. Alors je vous avais dit que je vous parlerais d'une vente insolite, là il y a une chips qui s'est vendue à 82 000 euros. Mais oh, quelle est sa particularité? Oh, elle est à la truffe et au caviar. Ah, écoute, c'est pas ça. Trempé dans une sauce foie gras. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'elle est très très très vieille? Par exemple, elle date de moins 500 avant Jésus-Christ, tu vois? Non, plus. Ils l'ont retrouvée dans la... Pas bête, non, c'est pas bête. Vos deux propositions sont intéressantes, mais ça n'est pas ça. La chip s'est vendue à 82 000 euros tout simplement parce qu'elle ressemble à s'y méprendre à un Pokémon, un drapeau feu. Et oui, le dragon dans Pokémon. C'est un gars qui mangeait ses chips, il était là, il était peinard. Puis il dit, regarde Bernard, alors Bernard son pote, il regarde, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde la chips dans le paquet là. Il dit, quelle chips? Il n'y a que des chips dans le paquet, donc il n'y avait pas de différence. Et puis il dit, bah celle-ci là, regarde, elle ressemble à un dragon, elle ressemble à Dracaufeu dans les Pokémon. Il dit, mais faut que tu la gardes ta chips, ça peut coûter une fortune. L'autre, le copain de Bernard qui trouve la chips, qu'est-ce qu'il fait? Bah, je sais pas, il la mange quand même. Non, il la met sur un site aux enchères. Oh là là. Okay. Il la met aux enchères sur un site, plutôt comme ça qu'on va le dire. Et bonne idée, elle s'est vendue 82 000 euros. Mais c'est incroyable. Elle ressemble à un dragon, la chips. Mais qui achète ça, franchement? Un fan de Pokémon. Ah là, faut être très très fan. Hein. Ou très très con, je ne sais pas. C'est un des deux. Non. Il est 7h08, bon réveil, nous. On joue M Radio, le 3 sur 5. Bon, alors, c'est facile. Si vous nous écoutez pour la première fois, je vous rappelle les règles. On va vous diffuser 5 extraits musicaux. À vous de reconnaître 3 noms d'artistes. Et là, c'est gagné. Et vous avez remarqué, ça sent un petit peu le printemps. On a envie de se rhabiller. Et ça tombe bien parce qu'on vous offre 250 euros de cartes cadeaux à dépenser sur spartoo.com. Et comme on est sympa, on vous offre Amel Bent et Renaud. Il vous en reste un à trouver. Bon réveil sur M Radio. Voici les Enfoirés en nouveauté. On a passé du temps à chercher dans nos vies un peu de couleur de soleil quand le ciel était gris. Fallait qu'on se protège, qu'on évite les pièges. C'est ce qu'on nous a dit. Mais est-ce qu'on a réussi? On s'est déjà tous égarés sur le chemin. J'ai besoin de quelqu'un qui nous tende la main. Il fallait qu'on nous dise que rien ne peut. Si on avance ensemble, il fallait qu'on se rassemble. Et on aura encore des doutes, ils font partie de nous. On a tous pris des coups, mais on tient debout. Hey. On construira le monde demain. On sera pas toujours d'accord, mais du moment qu'on s'aime encore, on construira. Le monde de demain, à nous de changer de décor. Sans peur, on est bien plus fort, plus fort. On fera tout ce qu'on peut pour qu'on n'ait plus le droit de naître dans un monde où certains ont faim et froid. Il faudra qu'on soit des milliers à ne jamais oublier que le chemin est long avant de faire pour de bon. On nous dira tellement de fois que l'on est fou d'y croire. Mais si l'on n'y croit pas, dis-moi qui le fera.

Bienvenue, bonjour, merci d'avoir choisi M Radio, il est 7h15. Bonjour la France, les amis, c'est l'heure. Nous, on joue M Radio, le 3 sur 5. Bonjour Charlotte à Grenoble. Bonjour Vincent, bonjour Isabelle et bonjour Lucas. Bonjour, ah, Charlotte. Bonjour Charlotte. Fidèle auditrice, ça s'entend. Ah oui, j'écoute quasi tous les matins. Depuis combien de temps vous nous écoutez ? Oh mais depuis hyper longtemps. Je saurais pas vous dire combien de temps. En fait, dès que je monte dans ma voiture, c'est M Radio, donc tous les matins. Ah, c'est sympa. Ah, ça fait plaisir. Hein. Et en plus, vous êtes taxi dans la vie, c'est ça ? Bah alors, c'est pas mon vrai métier, mais je suis taxi, femme de ménage, cuisinière pour mes enfants. Bah oui. Ah, ah, ok. Ah oui. En fait, ah bah oui, on l'est tous. Pardon, mon vrai métier, c'est infirmière. Ah, d'accord. À domicile ou en clinique, hôpital ? À domicile. D'accord. Vous avez commencé la tournée, là, ou pas ? Non, pas du tout. Je travaille pas. Comme je disais, je suis taxi, en fait. Ah, mais là, j'apporte des gants de ski à mon fils qui les a oubliés. Je suis pénible. Alors, il y a quelque chose qui nous interpelle avec Isabelle. Oui, apparemment, Clément, au Standard, nous a dit que vous saviez faire le nougat. Exactement. Comment ? Je lui expliquais que j'en avais fait hier soir et qu'il était délicieux. Mais comment on fait du nougat ? Eh ben, alors il faut faire chauffer du miel à une certaine température. Dans une autre casserole, il faut faire chauffer du sirop de glucose, de l'eau et du sucre. Monter des blancs en neige et puis faire... j'ai oublié le terme, mais il faut faire griller vos amandes, vos noisettes, vos pistaches. Et après, vous mélangez le tout quand c'est à bonne température et ça vous fait du nougat. Ouais, mais c'est génial. Il faut bosser dans un laboratoire pour savoir faire ça. Hein, c'est impressionnant, Charles. Ah, mais vos enfants sont les plus heureux, là, franchement. Ah oui, ça, ils adorent. Et Tom et Lily, pour les citer, on vous dit bonne chance. Allons-y, Charlotte. À vous d'en trouver 3 sur 5. Mister Renard, c'est la mer au-dessus de mon âme. La symphonie des éclairs. Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs. Vous avez 15 secondes, Charlotte. Allons-y, top chrono. Alors, Renaud, Amel Bent, Frérot de la Vega ou le frérot Jérémy Frérot? C'est gagné, bravo! Oui! Il vous manquait Zao de Sagazan et Jean-Pierre Madère, mais vous les aviez certainement. C'est gagné, Charlotte. Je n'avais pas le dernier, mais Zao de Sagazan, je l'avais. Oh, je suis trop contente. Ça s'entend. Vous allez pouvoir vous faire plaisir à vous et aux enfants avec 250€ de cartes cadeaux à dépenser sur spartoo.com. Génial, merci beaucoup. Encore une super journée pour moi, je suis trop contente. Eh ben, on est ravis. On vous embrasse, Charlotte, à bientôt à Grenoble. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, bye bye. Et tout de suite, on écoute Héloïse, Hey Bro, à 7h18, c'est M Radio. Assis devant le mur, en regardant les vagues et réfléchir à cette colère, ramassant des algues. Je me pose un instant tout en hésitant. Pourquoi tant de haine, tant de... Recevoir un message, mais quand le verrai-je? Combien de mois? À quel âge? Mais putain, qu'est-ce t'attends? Ça me fout la rage. Hey bro, staring at the sky, and I see you go. J'aimerais t'en serrer dans mes bras là. Pam pam padam pam da da dam da dam da da. Pam pam padam pam da da dam. Un étranger, j'aurais aimé être ton repère, j'en garde encore un doigt mère. J'aimerais tant. On fait de la radio ensemble tous les matins, 6h, 10h. Vous êtes sur M Radio. Et si vous avez du mal à vous endormir, j'ai la solution. Ah bah très bien, moi j'ai du mal à me réveiller, tu vois. Là, je sais pas la solution. C'est pas une solution. Merci Isa. Pascal Obispo arrive avec Tombé pour elle pour démarrer plus de 30 minutes sans pub, les amis. C'est dans moins de 4 minutes. C'est parfait. Impeccable. C'est bien tout ce qui est de le pouvoir d'achat. Ce serait mieux si c'était vraiment pour tout. Comme quoi ? La voiture par exemple, indispensable pour aller travailler, faire ses courses, tous les trajets du quotidien. Oui, mais le pouvoir d'achat, c'est pas forcément pouvoir acheter une voiture neuve. Heureusement, Fiat est là. Comment ça ? Fiat propose Tipo berline diesel, la grande familiale tout équipée au prix d'une occasion des 16 900 euros seulement. Imbattable. Fiat, c'est pour tous, mais c'est surtout pour vous. Portes ouvertes les 15 et 16 mars. Pour Tipo berline diesel 130 chevaux en stock, sans condition de reprise jusqu'au 31 mars dans réseau participant. Détails sur fiat.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Fiat. À tous ceux qui sont parfaitement coiffés quand ils enlèvent leur casquette, qui ne transpirent pas même après un footing et qui n'ont jamais de bout de salade entre les dents. Et à ceux qui sont normaux et qui se demandent pourquoi la vie est si injuste. Vous n'êtes pas qu'un physique, vous au moins. Intermarché rembourse 80% de vos achats en deux bons d'achat sur le rayon beauté. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 16 mars, réservé aux porteurs de la carte de fidélité, des 25 euros d'achat et dans la limite de 35 euros. Hors parapharmacie et produits électriques et à pile. Modalité sur intermarché.com. Peugeot. Une conduite instinctive, un design félin, des performances électrisantes, c'est ça la griffe de Peugeot. Pendant les jours griffés, profitez d'offres exceptionnelles comme le Peugeot 2008 hybride à partir de 270 euros par mois. Et toujours jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Rendez-vous vite dans votre point de vente ou sur Peugeot.fr. Portes ouvertes du 13 au 17 mars. LLD 49 mois, 40 000 km. Premier loyer 3700 euros pour un 2008 style hybride 9 heures option. Réserve aux particuliers jusqu'au 31 mars. Si acceptation crédit par. Garantie à l'Urcaire. Conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Oh là là, ça sent drôlement bon du côté des cuisines But. Eh oui, But vous a mijoté sa meilleure offre pour le printemps. En ce moment, pour l'achat de votre cuisine, jusqu'à 6 électros offerts. Oui, 6 électros offerts. Voir détails et conditions de l'offre en magasin et sur le site but-cuisine.fr. Des remises en pleine forme avec Intersport. Hello l'équipe, si je vous dis coupe-vent dans le vent, très résistant et super léger. J'ai le coupe-vent Stretch Under Armour. Avec lui, tout est under contrôle. Enfin, sous contrôle quoi. Et en plus, la promo est hyper bien coupée. Chez Intersport, jusqu'au 23 mars, le coupe-vent Homme Stretch Under Armour est à 54,99€ au lieu de 79,99€, soit 31% de réduction. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres et le meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Jeanne aime cuisiner et avec lui, elle improvise chaque jour pour que ça ne manque jamais ni de saveur ni de cuisson. Facile pour Jeanne qui, depuis un an, a concocté une place de choix dans sa cuisine à son airfryer. Cette belle histoire pourrait bientôt être la vôtre. Réveillez vos passions du quotidien avec Darty. Jusqu'au 30 mars, le airfryer Moulinex Easy Fry Max est à 69,99€ au lieu de 139,99€, soit 70€ de remise. Darty, c'est parti pour durer. Renseignez-vous en magasin ou sur darty.com. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos fruits et légumes ont tout de très bons fruits et légumes. Si beau, si bon dans votre assiette, ils vous feront dire « Ah là, je vais les aimer, les légumes verts !» Oui, vraiment, ils sont très bons, mais à prix discount, puisque nos clients les payent 23% moins cher que la moyenne du marché. Eh ouais. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. Source Kantar, prix moyen payé au kilo de fruits et légumes chez Aldi versus prix moyen payé au kilo sur le marché, cumule 12 semaines au 29 décembre 2024. Dans moins de 60 secondes, retour du M Radio Réveil de Vincent Cerutti et Isabelle Jamy sur M Radio. Quand on veut, on peut. Vous conviendrez que ce n'est pas toujours vrai, sinon le pouvoir d'achat s'appellerait le vouloir d'achat. Chez Nissan, pendant les jours Power d'achat, quand on veut rouler en hybride, on peut. Le Nissan Qashqai e-Power, l'hybride réinventé, est à partir de 199 euros par mois seulement, sans condition. Mais pour profiter de ce prix exceptionnel, il faut le commander en mars. Alors quand on veut, on peut, mais on doit faire vite. Nissan. Qashqai e-Power 2024 à Senta avec option 9, LLD premier loyer 5500 euros, puis 36 loyers 299 euros si accordiaque. Détail Nissan.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Mon plus beau souvenir depuis que j'ai gagné Euromillion, c'est la tête de ma famille quand je leur annonçais que je partageais avec eux. Ce vendredi, méga jackpot Euromillion de près de 130 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ. Montant minimum garanti à partager rang 1, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Écoutez ce titre sur la web radio 6070. J'ai 73 ans. J'ai appris que mes

Non, il faut pas prendre de cachet, c'est pas bien. Après, on s'accoutume. Il y a de l'accoutumance. On s'accoutume. Ouais. On s'accoutume après. Bah oui. Non. Et toi, Lucas, qu'est-ce J'essaie que tu fais? J'essaie de me vider l'esprit, de ne plus penser à rien. Ça m'a fait peur. D'accord. Non, mais c'est vrai, il m'a fait peur. Bon. Oui. Alors, moi, j'ai mieux que ça. Il vous faut du tryptophane. Qu'est-ce que ça confondre avec le tricot. Si vous faites du tricot pour vous endormir, vous pouvez aussi vous endormir, mais vous pouvez vous blesser à cause des aiguilles si vous dormez dessus. Le tryptophane, Vincent, c'est un nutriment qui va agir sur la production de ta mélatonine, c'est-à-dire l'hormone qui te permet de t'endormir. Et dans quoi on trouve du tryptophane ? Eh bien, dans la banane. Donc tout faut... simplement. Ah ouais, c'est bien. En plus, c'est un coupe-faim, la banane. Parce que moi, j'ai tout le temps faim le soir quand je me couche. Eh bien, alors, c'est parfait. Mais alors, par contre, il faut la prendre un petit peu avant de t'endormir. C'est une à deux heures avant de te coucher. Ah bon ? Et pour que le tryptophane soit bien capté par ton cerveau, Vincent, ouais, il faut que ta banane soit bien mûre. Ah oui, alors que moi, j'aime pas quand elles sont trop mûres. Ah bah oui, mais alors, il faut faire un effort. C'est compliqué, hein. Et si tu veux arrêter les cachets, tu fais ça. Tu manges des bananes. C'est moi. Voilà. Chose, non, il voulait dire ça. Ah, bah oui. Philippe Catherine. Voilà. Mais alors, mangeons une banane une heure avant de nous coucher, donc, et ça va libérer le tryptophane. C'est ça. Merci Isa, dans un instant. T'as tout bien retenu, je suis fière de toi. Mais j'écoute ce que tu nous dis. J'écoute. T'as l'impression que j'entends pas, mais j'écoute. Voici Vanessa Paradis Tandem, et dans un instant, je vous parle d'un grand succès de l'année 89. C'est le M Radio Réveil, il est 7h40. Bonjour, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. On continue car maintenant je vous propose un retour vers le passé en mettant à l'honneur une chanson incontournable qui va nous permettre de replonger dans quelques souvenirs. Oui, ils sont partis dans les couloirs du temps. Retour vers le passé, on s'arrête en 1989. Isabelle, Lucas et vous qui nous écoutez, l'un des tubes incontournables de l'été 89. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Bah oui, bien sûr. L'ancien joueur de foot Jean-Pierre François se lançait dans la musique avec Je te survivrai, signé Didier Barbelivien, vendu à plus de 500 000 exemplaires à l'époque, certifié disque d'or de l'année de sa sortie en 1989. Ah, la classe. Pas mal, hein. Bah oui. Et alors, à cette époque-là, en France, en 89, c'est l'arrivée de séries incontournables comme Dragon Ball Z ou encore Les Simpsons. Les Simpsons, c'était en 1989. La pyramide du Louvre était inaugurée. Sortait aussi au cinéma La Petite Sirène de Walt Disney. Il y avait aussi Chérie, j'ai rétréci les gosses. Vous vous souvenez de ça? Ah, génial, c'est marrant, j'adorais. Ouais. Ah ouais, avec la grosse fourmi. Oui. 13 marins, 13 voiliers en 89 prenaient le départ de la première édition du Vendée Globe. Et c'est aussi l'année de naissance de Joy Jonathan, Pierre Ninet, Chérie Falouna ou encore Isabelle Giami. Mais comment tu le sais? Je le sais. Écoute, on l'écoute. C'est incroyable. Hein. Mais oui, je te survivrai, j'adore. Jean-Pierre François. Et alors, une autre petite info comme ça en passant. Celle qui fait la voix dans La Voix des Cœurs dans Je te survivrai, c'est celle que nous écoutions hier à la même heure. C'est Bibi, tu sais, de Tout Doucement. Oh, incroyable. Allez, on l'écoute. La place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as trois gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, tu pars toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes. J'ai connu des marées hautes et des marées basses, comme vous, comme vous, comme vous. J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques, comme vous, comme vous, comme vous. Chaque amour mort à une nouvelle a fait place. Et vous, et vous, et vous, et toi Marco, simplement être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Et ben c'est formidable les copains, on s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table, comme on étale ses lettres au Scrabble. Dans la vitrine, je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai si c'est à droite. Attendez-moi, attendez-moi. Des grands hommes, des grands hommes. Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans. Bienvenue, bonjour, vous êtes sur M Radio, il est 8h-10, c'est l'heure de l'horoscope en 60 secondes chrono, on va vite, on va très vite. Les béliers, ne forcez rien, laissez les choses venir à vous. Les taureaux, vous serez l'élément sérieux, sûr et stable du groupe. Bon, les gémeaux, l'amour se trouve dans les petites choses. Les cancers, côté finance, une opportunité intéressante se profile. Lion, rappelez-vous que la perfection n'existe pas. Les vierges, votre curiosité est à son apogée. Balance, vous irradiez de bonheur et ça se voit. Hein. Les scorpions, les astres vous poussent à être plus transparents. Sagittaire, n'ayez pas peur de prendre des responsabilités. Les capricornes, écoutez ce que votre cœur veut vraiment. Verseau, restez attentif aux signes du destin. Les poissons, la chance est au rendez-vous, alors saisissez-la. Elle sera à l'affiche du festival Beauregard 2025 l'été prochain avec notamment Clara Luciani. C'est Oshi qui arrive sur M Radio avant 8h et juste après les infos de Manon Bacourt, on vous fera gagner quoi? Un merveilleux cadeau. Il s'agit de 3 nuits en famille, en résidence Pierre et Vacances, dans une destination de votre choix. Et vous verrez, les appartements et les maisons sont tout confort et super bien équipés. Et ben ça c'est bien Maïsa. 36-18 pour nous joindre, il y a Clément qui vous attend au standard juste à côté. On y va, on part pour 30 minutes sans pub dans moins de 4 minutes. Cuir Center. Maintenant, vous savez que Cuir Center fait des canapés en tissu. Alors parlons des jours irrésistibles. C'est le moment de craquer pour le canapé Bali double profondeur à 1690 euros au lieu de 2210. Plus de 500 euros d'économie.

Un point sur l'actualité en moins de 3 minutes. Avec Manon Bacour. Bonjour Manon. Bonjour Manon. Bonjour Vincent. Bonjour Isabelle. Bonjour à vous. Une journée très agréable avec du soleil ce matin de la Côte d'Azur au Hauts-de-France en passant par l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est et la région parisienne. Ce sera également lumineux des régions du centre au Pays Basque, de la grisaille en revanche sur la Normandie et la Bretagne et de la pluie encore au pied des Pyrénées. Cet après-midi, un temps agité se maintiendra autour du Golfe du Lion. Les maximales atteindront 16 degrés à Montpellier, 18 à Amiens, 19 à Nantes. 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. Réunis en sommet exceptionnel à Bruxelles, les 27 pays de l'UE ont donné leur feu vert au plan proposé cette semaine par la Commission européenne. Une réponse à l'arrêt de l'aide américaine à Kiev, mais aussi à la menace croissante de la Russie, qualifiée d'existentielle pour l'Europe par Emmanuel Macron. Vladimir Poutine est un impérialiste révisionniste, a également déclaré le chef de l'État. Nouvelle passe d'armes avec Moscou après sa référence à Napoléon, une pique de Poutine qui visait directement le président français. En parallèle, Donald Trump met une nouvelle fois en doute l'engagement des États-Unis dans l'OTAN. S'il ne paie pas, je ne vais pas les défendre, a lancé le milliardaire depuis la Maison-Blanche. Nous sommes des alliés loyaux et fidèles, lui a répondu Emmanuel Macron, le chef de l'État français qui réclame davantage de respect au président américain. Ils seront 200 d'ici le 15 octobre à se retrouver isolés du reste de la société. Gérald Darmanin a dévoilé hier les deux sites retenus pour accueillir les narcotrafiquants les plus dangereux du pays. Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais et Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. D'ici 2027, le garde des Sceaux souhaite que la France soit dotée de 5 prisons de haute sécurité au total, dont une dans les Outre-mer. Trafic totalement interrompu ce matin. Gare du Nord à Paris, une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale a été découverte à proximité des voies. Les démineurs sont sur place. La circulation des RERB est également perturbée. Dernier week-end de congé pour la zone A. Il y aura du monde sur les routes pour le retour des vacances d'hiver. La journée est classée orange par Bison Futé dans le quart sud-ouest aujourd'hui. Ce sera orange également demain dans les deux sens en Auvergne-Rhône-Alpes. Et cette année encore, il compte sur vous. Et oui, c'est le coup d'envoi aujourd'hui de la grande collecte annuelle des Restos du Cœur. Les bénévoles seront mobilisés tout au long de ce week-end afin de collecter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène, notamment à la sortie des supermarchés. Notez que TF1 diffusera également ce soir le concert des Enfoirés qui avait été enregistré en janvier dernier à Montpellier. Bonne matinée à tous. Vous êtes en compagnie de Vincent Cerutti et Isabelle Giammi jusqu'à 10h. Merci Manon, à tout à l'heure. 10h, 10h, Vincent, Cerutti, Isabelle, Jamy. Et Lucas. Salut. Oh, putain. Pardon. J'ai le top 3 des villes où il ça sent bon. Alors attends, j'ai le top 3 des villes où il ça sent bon. Ça sent bon dans ces villes. Et ben alors voilà. Tu vas nous le donner dans un instant, des villes où ça sent bon. Donc oui. On aime bien l'idée. Voici Kenji Andalouse, 8h03. Bonjour la France. Tu viens le soir danser sur des airs de guitare et puis tu bouges tes cheveux noirs, tes lèvres rouges, tu te balances. Le reste n'a pas d'importance comme un soleil. Tu me brûles et me réveilles. Tu as dans les yeux le sud et le feu. Je vais dans la peau. Baila, baila, oh. Sois toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête. Bouger comme une reine, ton corps ondule. Déjà mes pensées se bousculent comme la lumière. Il n'y a que toi qui m'éclaire. Tu as dans la voix le chaud et le froid. Je t'ai dans la peau. Baila, baila, oh. Sois toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête. Je perds le nord, je perds la tête. peut-être ça la mort. Merci Kenji, bienvenue 8h06. 6h10h. Vincent Cerutti, Isabelle Jamy. Je vous le disais tout à l'heure, un sondage a révélé les trois villes où, il sent le, où ça sent bon, quoi, où ça sent le meilleur. Okay. Bon, déjà, il n'y a pas Paris, c'est sûr. Parce que quoi, ça pue. Clair. Figure-toi que si. Non. Ah bon ? C'est incroyable. En troisième position, c'est Zurich, en Suisse, ah ouais, où ça sent bon. Deuxième position, Paris. Mais les gars qui ont fait l'étude, là, ils n'ont pas d'odorat. Ils avaient peut-être un rhume. Ah, ils étaient enrhumés, je pense. Et en première position des villes où ça sent bon, eh bien, c'est Athènes. Mais Athènes aussi, c'est hyper pollué comme ville. Eh bien, ça sent bon, on te dit. Ah bon ? Ah bon, bah, ça va alors. Mais voilà, c'est des chercheurs, hein, donc tu vas pas. Nous sommes le 7 mars. Non, j'insiste pas. Nous sommes le 7 mars et il y a 40 ans, jour pour jour, le 7 mars 1985, Michael Jackson sortait la chanson We Are the World au profit de USA for Africa. Ah, je m'en souviens. Il y avait tout le monde. Tout le monde était là. Il était génial le clip, hein. Ils avaient tous des casques et ils enlevaient une oreille pour bien chanter. Ils enregistraient en fait, ouais. C'était au moment où ils enregistraient We Are the World. Il y avait Lionel Richie, il y avait tout le monde. Ah, c'était bien. Ce soir, diffusion du concert des Enfoirés à 21h10 sur TF1. Toutes les indiscrétions, toutes les coulisses de ce nouveau concert à retrouver sur mradio.fr. Vous faites bien les applaudissements. Merci. Hein. Franchement, c'est impressionnant. C'est américain ? Je sais pas comment vous faites ça. C'est ça. Bon, puisque vous me demandez si mon rhume va mieux... Oui, ça va mieux ton rhume. Un petit peu mieux. Merci. Il est 8h07, nous... On joue M Radio, le 3 sur 5. Alors Isa, comment ça se passe? C'est très simple, on va vous diffuser 5 titres. On peut vous déposer aussi, hein, si vous voulez. On habite pas c'est loin. C'est vendredi, pardonnez-moi. On vous diffuse 5 extraits de chansons, il faut en reconnaître 3. Et si vous y parvenez, c'est gagné. On vous offre 3 nuits en famille, en résidence, Pierre et vacances. Pardon, je vous demande pardon. Je t'en prie, ça. Comme un piano qui joue sous ma peau, j'ai caché tous les jours mes sanglots. Je suis née d'un amour qui est tombé à l'eau. Viendra l'heure du chagrin. Un été se meurt et je n'ai plus rien. Je peux me faire une raison qui est à mentir. Quelle que soit la saison, je sais sourire. Je suis née sans prison, mais j'ai appris à fuir. Moi, c'est écrit dans ma mémoire. Là, bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout ça fait las, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes dents d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. N'allez pas commencer à tirer. Moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, oh, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter. Bienvenue sur M Radio, merci de nous avoir choisi. Bon réveil, 8h14, c'est l'heure de jouer. On va partir à Mâcon chez Amélie. On y va, nous. On joue M Radio, le 3 sur 5. Bonjour Amélie, vous allez bien? Bonjour Vincent, bonjour Isabelle, bonjour Lucas. Bonjour, bonjour Amélie, bienvenue sur M Radio. Ah, je suis ravie d'être avec vous. Eh bien, nous aussi, c'est pareil. Ravie de vous accueillir. Alors, ce matin, on pose la question à celles et ceux qui nous écoutent. Vous aussi, en l'occurrence, quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Et vous, vous avez dit à Clément que le plus beau compliment qu'on pouvait vous faire, c'est... d'être une super maman. Ah ouais, oui. C'est super gentil, ça. C'est vrai que ça nous touche. Ça fait plaisir. Ou c'est comme Isabelle, quand tout à l'heure elle disait, moi c'est quand on me dit que mes enfants sont bien élevés, ça fait plaisir aussi. Bah ouais, qu'ils connaissent les petits mots de politesse obligatoires, quoi. Bah oui. Ouais. Exactement. Amélie, oui, pardon, vous voulez dire. L'un va avec l'autre. Être une super maman et des enfants bien éduqués, voilà. Exactement. C'est vrai. Dans la vie, vous faites quoi? Je suis comptable. Très bien, vous avez commencé le boulot là à 8h15 ou vous y allez? J'y vais, je suis bientôt arrivée. Et vous nous écoutez depuis combien de temps? Enfin, combien de mois, d'années? Bah, tous les matins depuis 2 ou 3 ans déjà que je vous écoute. Donc ça fait très longtemps. Vous avez été contaminée par le on joue et par le ce sera une belle journée parce qu'on l'a décidé? Exactement. Ça fait plaisir. Je suis de mauvaise humeur, je me le dis aussi. Ben, ça sera une bonne journée parce que je l'ai décidé. Et ouais. Mais moi aussi, je me le dis, mais je me le dis aussi. Amélie, bonne chance, on y va. À vous d'en trouver 3 sur 5. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Qui t'est de va dévorer l'autre le premier. Tu reviens. Ne partis pas sans moi. Secondes pour nous donner trois bonnes réponses et c'est gagné, Amélie, top chrono. Alors je dirais Clara Luciani, Patrick Fiori, Kenji Girac, la Star Academy. Mais dis donc, vous êtes en pleine forme, il vous manquait Céline Dion et François Valéry, mais c'est gagné. Ah, voilà. Bravo. Amélie, vous avez été parfaite, vous venez de gagner votre week-end de trois nuits en famille en résidence Pierre et Vacances. Trop génial, on n'est pas parti en vacances l'année dernière en plus avec les petits loups, donc c'est vraiment trop génial. Alors là, on est heureux pour vous, bravo. Merci beaucoup, je suis trop contente. Eh ben, on est ravis pour vous, vous en resterez Elena, votre fille de 6 ans, et Aaron, votre fils de 10 ans. À bientôt, Amélie. À bientôt, merci beaucoup, belle journée à vous. Bonne journée, voici Kyo, Le Chemin sur M Radio. Regarde-toi, assise dans l'ombre, à la lueur de nous. Songe, les mains glacées jusqu'à l'ongle. Regarde-toi à l'autre pôle, fermez les yeux sur ce qui nous ronge. On a changé à la longue. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance, et je te hais de tout mon corps, mais je merci d'avoir choisi M Radio dès votre réveil, 8h20 Isa. J'ai un gros coup de gueule là, qui va falloir que ça sorte. J'ai un coup de gueule contre la vie. Oula, voilà. Pourquoi? Bah, parce que parfois elle peut être vraiment cruelle. Mais à quel propos? Eh ben je vais tout vous dire. Oh, mais c'est impressionnant, ça donne envie de rester. Hein. Je t'assure, tu l'as fait exprès? Oui. Ah bah tu fais ça bien. Dans un instant, Marc Lavoine, Christina Marocco, j'ai tout oublié. On part pour 30 minutes sans pub dans moins de 4 minutes sur M Radio. Bougez pas. Mais peut-on trouver un air fryer Fagor à 29,99€? Ouais, fort, tout le monde va être au courant. Oui, c'est le but de la radio quand même. Pendant la quinzaine des prix ultra bas dans vos magasins U et sur Conceu.com du 4 au 16 mars, profitez de 50% d'économie sur le air fryer Fagor 4,5 litres, soit 29,99€ au lieu de 59,99€. Et pour les clients carte U, 3€ versés sur la carte U, soit 26,99€, le air fryer. U, des valeurs fortes et des prix bas. Dont 50 centimes d'éco-participation, prix conseillé par Coopérative U au magasin U participant. Valable pour un retrait jusqu'au 16 mars. C'est ça, c'est le nouveau Citroën C3 Aircross. Il est beau, hein? Et pour hiberner avec vos oursons, on passe facilement de 5 à 7 places. Oui, bah c'est vrai que c'est pratique, hein? Pour les amoureux de grands espaces et de confort, nouveau Citroën C3 Aircross à partir de 19 700€. Également disponible en électrique et hybride. Découvrez-le pendant les portes ouvertes du 14 au 17 mars. Citroën. Tarif conseillé à particulier jusqu'au 31 mars pour l'achat d'un nouveau Citroën Cross U hors option selon réseau participant. Détails sur citroën.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Grand frais. Oui, c'est la soprano. Pour le concerto de ce soir, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont de la pulpe de tomates fraîches, 100% italienne. Je peux pas louper ça. Sinon, mon frère chante sous sa douche. Si on met une douche sur scène, je pourrais peut-être le convaincre de me remplacer. Chez Grand Frais, jusqu'à samedi, la pulpe de tomate Savino de 385 grammes est à 1€ Citroën acheté. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. Soit 2,60€ le kilo, origine Italie. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Bonjour, bienvenue chez Écoutez Voir. Bonjour, stylé ces lunettes, vous les avez en rouge? Oui, mais pas que. En bleu aussi? Oui, mais pas que. Comment ça? Vous allez faire des économies aussi. En ce moment, chez Écoutez Voir, vous avez jusqu'à 60€ offerts sur vos prochaines lunettes. Et surtout, votre achat contribue à l'économie sociale et solidaire. Oh, vraiment stylé, quoi. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Point de vente soumis au code de la mutualité. Valable jusqu'au 30 avril 2025. Conditions sur écoutezvoir.fr. Des remises en pleine forme avec Intersport. Hello l'équipe. Alors comment trouver sneakers à son pied sans faux pas? Facile, avec la Puma Vis2K. Tendance, super looké et en super promo. La base quoi. Chez Intersport jusqu'au 23 mars, les sneakers Puma Vis2K sont à 54,99€ au lieu de 89,99€, soit 38% de réduction. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres et le meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Chez Maxizo, faites plaisir à vos animaux avec nos super promos. En ce moment pour votre petit chien, le sac de croquettes Royal Canin 8 kg est à seulement 39,99€ au lieu de 49,99€, soit 10€ de réduction. C'est ouf quand même. Maxizo, tout pour vos animaux. Pour chien adulte de petite taille, soit 5€ au lieu de 6,25€ le kilo. Prix promo valable jusqu'au 9 mars en magasin et sur maxizo.fr. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos tomates rondent tout d'une très bonne tomate. Posées sur la planche à découper, elles vous rappelleront ce dicton que mamie vous disait. Une bonne cuisine commence par un couteau bien affûté, mon bichon. Oui, vraiment. Nos tomates ont tout d'une très bonne tomate, mais à prix discount. 99 centimes seulement le kilo. Oui, 99 centimes. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, origine Espagne ou Maroc, offre valable jusqu'au samedi 8 mars, info sur aldi.fr. Dans moins de 60 secondes, retour du M-Radio Réveil de Vincent Cerutti et Isabelle Giammi sur M-Radio. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique, voiture de l'année 2025. Dès 200€ par mois, borne de recharge offerte. Pendant les portes ouvertes du 13 au 17 mars, 2 mois de loyer offert. R5 Evolution 120 heures option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 2 800€. Bonus éco, 4 000€ déduit si éligibilité. Valeur borne, 990€ hors taxe pour forfait borne plus installation du 1er au 31 mars. Troisième et quatrième loyer offert. Si accordiaque. Offre à particulier du 13 au 17 mars. Voir service-public.fr et Renault.fr. Pensez à covoiturer. Georges aime le cinéma, surtout les drames, les vrais, les durs, ceux qui font pleurer. Et depuis 3 ans avec elle, il est servi. Pas un soir ne passe sans qu'aucun drame ne se joue dans leur salon. En grand, grâce à elle, sa belle télé. Cette belle histoire pourrait bientôt être la vôtre. Réveillez vos passions du quotidien avec Darty. Jusqu'au 30 mars, la télé LG OLED 55 C4 est à 1190€ au lieu de 1399, soit 209€ de remise. Darty, c'est parti pour durer. Renseignez-vous en magasin ou sur darty.com. Écoutez ce titre sur la web radio Chanson d'amour. Et à moins d'efforts sur la longueur, elle laisse aller sa vraie nature. Ça me bouleverse toujours quand elle pleure, ça c'est sûr. La huitième merveille du monde, c'est une comtesse au pied. Toutes les femmes Retrouvez la web radio Chanson d'amour sur mradio.fr et l'application gratuite mradio. Mradio Paris, mradio 102.7. Mradio. À deux pas d'ici, j'habite, peut-être est-ce ailleurs. Je ne reconnais plus ma vie, parfois je me fais peur. Je vis dans un monde qui n'existe pas. Sans toi, je ne suis plus tout à fait moi. À deux pas d'ici, j'ai égaré ce que j'étais. Mon nom ne me dit rien, ni la photo sur mes papiers. Merci d'avoir choisi M Radio dès votre réveil. 8h30, tout pile. Le rappel des titres en une minute avec Manon Bacour. Bonjour Manon. Bonjour Manon. Bonjour Vincent, bonjour Isabelle, bonjour à vous. Un temps maussade sur le Languedoc, du soleil partout ailleurs. Le thermomètre grimpera jusqu'à 17 degrés à Toulon, 19 à La Rochelle et à Chalon. 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. Réunis en sommet exceptionnel à Bruxelles, les 27 pays de l'UE ont donné leur feu vert au plan proposé cette semaine par la Commission européenne. Réponse à l'arrêt de l'aide américaine à Kiev, mais aussi à la menace croissante de la Russie. En parallèle, Donald Trump met une nouvelle fois en doute l'engagement des États-Unis dans l'OTAN. S'ils ne payent pas, je ne vais pas les défendre, a lancé le milliardaire depuis la Maison-Blanche. Ils seront 200 d'ici le 15 octobre à se retrouver isolés du reste de la société. Gérald Darmanin a dévoilé hier les deux sites retenus pour accueillir les narcotrafiquants les plus dangereux du pays. Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais et Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Et puis c'est le coup d'envoi aujourd'hui de la collecte annuelle des Restos du Cœur. TF1 diffusera ce soir le concert des Enfoirés enregistré en janvier dernier à Montpellier. Le M Radio Réveil de Vincent Cerutti et Isabelle Jamy continue jusqu'à 10h. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Manon. Ah, je suis content, j'adore cette chanson. Vas-y, ah ouais, tu voulais nous parler de quoi ? De Béatrice. Béatrice nous dit que c'est l'anniversaire de mon mari Fred aujourd'hui. Il a 60 ans. Pouvez-vous lui faire un petit coucou ? Eh ben, bon anniversaire Fred et un petit coucou. Coucou. Coucou. Allez, ça bon va aller. Bon anniversaire. Isabelle Jamy, Vincent Cerutti avec vous et Lucas et Nick Nick et Clem Clem. Voici Niagara, j'ai vu sur M Radio. J'ai vu Bella. Collé J'adore. Alors je suis trop content qu'on ait écouté ça. Merci M Radio, 8h35. 6h-10h. M Radio. Vincent Cerutti, Isabelle Jamy. Ce matin, on vous a posé la question, quel est le plus beau compliment que l'on puisse vous faire? Ça se passe sur la page Facebook M Radio. Merci pour tous vos commentaires. Martine nous dit, moi, le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est « t'as de beaux yeux, tu sais ». T'as de beaux yeux, tu sais. Ah oui, ça c'est dans Quai des Brumes avec Jean Gabin. Et Michel Morgan aussi. Oui, c'est pas Micheline, c'est Michel. Non, Michel, ouais, je comprends. Elle lui dit embrasse-moi. Ah, t'as de beaux yeux, tu sais. Oh là là. Oh, tu sais, toi, t'es pas la dernière. Non, Annabelle. Ça, c'est pas dans le dialogue. Hein. Annabelle. Annabelle dit on peut avoir confiance en toi, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait. Ah ouais, il y a Laetitia qui dit le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est tu ne fais pas ton âge. Ah, c'est vrai, ouais. C'est violent comme compliment. Parce que tu ne fais pas ton âge, c'est. Ah, oui, non, ça veut dire que t'as l'âge que t'as, quoi. Ouais, voilà, vraiment. Ouais, c'est vrai. C'est... Alors, Pascal, elle dit le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est tu cuisines trop bien. Ah ouais, on t'a déjà fait, toi. Ah, on m'a dit ouais, tu cuisines trop bien. Ouais, ça c'était. Ou alors, on t'a déjà dit, toi, Isa. Oui, merci, on me l'a déjà dit. Ouais. Et toi, surtout Lucas pour mes lasagnes au thon exceptionnelles. Ah, les fameuses. En écoutant Petit Ours au Brun. Fifi, alors t'es aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur. Alors moi je sais pas, c'est spécial comme compliment quand même, non? Ben non, c'est bien, c'est-à-dire que t'es beau ou belle et en plus t'as une belle âme. Ah non, c'est un super compliment, ben ça. Oui, ouais. Vu comme mais ça. Oui. Antoine dit c'est dingue comme tu arrives à tout comprendre rapidement. C'est le meilleur compliment qu'on lui ait fait. Ouais, c'est ce qu'Antoine te dit souvent d'ailleurs. Oui, ton amoureux. Pourquoi pas, c'est vrai, il me le dit. Ouais, il me dit je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps. Sandrine, tu es toujours honnête avec moi. C'est le meilleur compliment qu'on lui ait fait. Ce qui est pas mal, c'est que sur tous les compliments qu'on a pu lire, il y en a aucun qui concerne le physique. Donc c'est bien. C'est que de la subtilité. Moi j'aime bien ce genre de compliment. Bah oui, ouais. C'est vrai. Hein. Bah on a des auditeurs subtils. Merci pour votre subtilité. Exactement. Voilà. Et bienvenue chez vous. Bienvenue sur M Radio. Bienvenue chez moi, comme le chant de Florent Pagny avec Lynn. Dans un instant, coup de cœur ou coup de gueule? Coup de gueule contre la vie, qui est si cruelle parfois. De quoi s'agit-il? Vous le saurez dans moins de 4 minutes sur M Radio. Toi qui marches longtemps, quand la pluie fait rage, quand partent les ans, quand la rue te vole tes nuits. Quand c'est toujours dimanche, tant pis. À toi qui cherches un abri, qui donnerait tes mains pour un peu de travail, qui essaie de rester fier quand tes chaussures s'écaillent. Y a toujours un poème pour le destin qui te blesse, quelqu'un qui t'aime pour les regrets que tu laisses. Si tu peux rester le même, toi qui changes ton adresse, tu seras bienvenu chez moi. Bienvenu chez moi. Pour partager l'ivresse, les doutes, les peines et les joies. Bienvenue chez moi, tu seras bienvenu chez moi. Si tu n'abandonnes pas, tu vaux plus que ce que tu crois. Souvent les lèvres sont sèches et les portes sont closes quand la ville s'endort. Le corps est fatigué quand la solitude brûle plus fort. À toi qui mérites mieux que les barreaux solides communiquent des corps, à ces rires invisibles qui ne te réveillent pas quand tu dors. Y a toujours un soleil dans les larmes que tu verses, et quelqu'un qui sait ta patience et ta tendresse. Toi qui restes fort et droit devant les murs qui se dressent. Oh, sois le bienvenu chez moi. Bienvenu chez moi. Sans or et sans promesse, j'ai tant à apprendre de toi. Oh, tu seras bienvenu chez moi. Si tu numéro 1 sur la chanson française. Je m'y attendais pas, au grand départ. Fermer la porte sans revenir. Je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mes choix et l'envie de toucher à l'avenir. Non, je ne vous oublie pas, je le dirai pas. Mais quand j'y pense, danse ma poitrine. Alors pardonnez-moi pour tous ces soirs où j'ai prié qu'on me laisse tranquille. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort. Je sais pas, je vis la vie dont j'avais envie. Mais ne vous méprenez pas, mes rêves ont raison de moi. Mon cœur lui voudrait quitter la ville. Je vous mens pas, cette fois c'est la dernière fois que je me lance non plus dans le vide. Si vous saviez comme j'y crois, malgré les peines, il faut pas à ce rêve immense qui m'anime. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête. Je pense à vous plus fort. Même à des kilomètres, je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête. Je pense à vous plus fort. Merci d'avoir choisi M Radio. On espère vous passer un bon moment. 8h44, comme la Loire-Atlantique. 44. Ah bravo, oui. J'ai un coup de gueule contre la vie qui parfois vraiment peut être très cruelle. À quel propos ? Vous savez qu'aujourd'hui c'est la fin de la course du Vendée Globe. Ah oui, bah enfin, parce que ça a été long. Bah oui. Quand même. Bah, ça a été long. C'est depuis 116 jours. Ah bah c'est long, voilà. C'est ce que je dis. 116 jours, 18h, 15 minutes, 46 secondes. Donc ça y est, drapeau à damier, c'est plié. Voilà, c'est la durée de la course. Ouais. Sauf que... il reste encore quelqu'un en mer. Ah bon ? Qui n'est pas encore arrivé et qui va arriver ce week-end. Bah c'est pas le fameux gars qui avait pété son spi là, qui était rentré avec une toute petite voile. Alors c'est peut-être lui, parce que lui, il a eu un problème de grand voile. Il a eu un dysfonctionnement du vérin de sa quille. Ah. Et ça, quand t'as le vérin de ta quille qui déconne, ah bah là, t'es mal barré. Là, tu passes un mauvais week-end. Bah voilà, tu vas pas aller assez vite. D'ailleurs, et tu vas arriver non seulement dernier, mais hors course. Et moi, j'ai trop de peine pour lui. Je l'imagine arrivé au Sable d'Olonne, il s'appelle Denis Van Wenberg et il est belge. Il va arriver tout seul là-bas. Ah bah, il n'y aura même pas de public, rien, personne pour l'accueillir. Le pauvre Denis Van der Breek. Il n'aura pas la chance d'avoir le champagne, les petits feux d'artifice. Tu sais ce que tu vas faire, Isa ? Tu vas aller l'attendre, tu prends la bagnole, tu vas au Sable d'Olonne. Tu sais quoi ? Mais je serais capable tellement ça me fend le cœur. Ah bah non, bah alors. Mais il arrive hors délai, c'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, la course est fermée depuis 45 minutes matin. Ouais, mais en même temps, si le mec il met 10 ans à faire le tour du monde, on ne va pas l'attendre 10 ans, tu vois. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est dur. Et attends, en plus, c'est pas fini. Ah. Il va pas toucher la prime que tous les arrivants touchent, c'est-à-dire 4 000 et quelques euros. Ah, 4 348 euros. Pauvre. Il va même pas les toucher. C'est con qu'il soit pas sponsorisé par Sodebo, il aurait eu des salades à vie. Non, mais c'est vrai. Allez, belle journée sur M Radio. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai.

Slimane, mon amour sur M Radio. On ira faire un petit tour du côté de chez Swan dans un instant. Pour l'heure, les béliers, ne forcez rien, laissez les choses venir à vous. Les taureaux, vous serez l'élément sérieux, sûr et stable du groupe. Vous êtes gémeaux, l'amour se trouve dans les petites choses. Les cancers, côté finance, une opportunité intéressante se profile. Lion, rappelez-vous que la perfection, ça n'existe pas tout simplement. Les vierges, votre curiosité est à son apogée. Balance, vous irradiez de bonheur et ça se voit. Les scorpions, les astres vous poussent à être plus transparents. Sagittaire, n'ayez pas peur de prendre des responsabilités. Les capricornes, écoutez ce que votre cœur veut vraiment. Verseau, restez attentif aux signes du destin. Les poissons, la chance est au rendez-vous, alors saisissez-la. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne. Et il arrive Dave dans un instant du côté de chez Swan, j'adore, avant 10h. Dites-nous sur la page Facebook M Radio, quelle est votre chanson des Enfoirés préférée? Exactement, ce soir le concert des Enfoirés est diffusé sur TF1, toutes les infos sur mradio.fr. Vous restez avec nous les amis, c'est un événement, on vous emmène à Londres, écoutez. Bonjour, c'est Lara Fabian sur M Radio. Avec M Radio, venez m'applaudir sur scène à Londres. M Radio vous offre votre séjour à Londres en amoureux pour applaudir Lara Fabian. Pour gagner votre séjour, écoutez M Radio toute la journée. Envoyez dès maintenant Lara par SMS au 72018 pour gagner votre séjour à Londres avec Lara Fabian. Lara au 72018. M Radio, numéro 1 sur la chanson française. 3 fois 75 centimes plus prix d'un SMS. DGP, règlement disponible sur mradio.fr. Mais où peut-on trouver 30% de remise immédiate sur tout Old El Paso? Oh, tacos, tortillas, fajitas, ça va être la fiesta à la maison. Ça met tout le monde d'accord. J'ai hâte. Moi aussi. Pendant la quinzaine des prix ultra bas dans vos magasins U et sur courseu.com du 4 au 16 mars, profitez de 30% de remise immédiate sur tout Old El Paso. Et avec cet achat, participez au grand jeu. U, des valeurs fortes et des prix bas. Valable sur tous les produits Old El Paso signalés en magasin pour un retrait jusqu'au 16 mars. Conditions et règlements sur magasin-u.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Des remises en pleine forme avec Intersport. Hey l'équipe, des chaussures pour passer de la salle de sport à l'open space. Ça vous parle ? La Graceful de Skechers. Hyper confort sur tous les terrains, même celui des promos. Ok, check pour les Skechers. Chez Intersport, jusqu'au 23 mars, les chaussures Skechers Graceful sont à 39,99€ au lieu de 69,99€, soit 42% de réduction. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres et le meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Grand frais. Bonjour, je devais être le premier homme à marcher sur Mars demain, mais je peux pas, j'ai grand frais. Ils offrent des boulettes de veau ou de bœuf faciles et rapides à cuisiner, un régal. Mais mon chien est dispo, hein. Le premier caniche à marcher sur Mars, ça va être dingue. Chez Grand Frais, jusqu'à samedi, pour 10 mêmes boulettes achetées, 5 supplémentaires sont offertes. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais ! Le meilleur marché. Prix indiqué en rayon, préparé sur place, viande bovine, charolaise et de veau 100% française, selon stock disponible, magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Envie de rouler en hybride ? Yes, of course. Avec zéro contrainte de recharge ? Yes. Et sans dépasser son budget ? Yes. Avec Opel Corsa, l'hybride coche toutes les cases. Rendez-vous en concession dès aujourd'hui pour découvrir Opel Corsa Hybride, disponible dès 139€ par mois. Pour Corsa édition hybride LLD 48 mois, premier loyer 4 900€, offre à particulier jusqu'au 31 mars, si acceptation crédit par. Détails sur opel.fr. Yes égale oui, pensez à covoiturer. Carrefour. Quand vous me dites une bonne viande d'origine France, vous avez ? Eh bien, je vous réponds que le bon plan du week-end, c'est la basse-côte de bœuf sans os 3 étoiles à griller origine France à 10,99€ le kilo. Et c'est jusqu'à dimanche chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Caissette de 800 grammes environ, détaillé magasin participant sur carrefour.fr. Quand on veut, on peut. Vous conviendrez que ce n'est pas toujours vrai, sinon le pouvoir d'achat s'appellerait le vouloir d'achat, non ? Chez Nissan, pendant les jours Power d'achat, quand on veut rouler en hybride, on peut. Le Nissan Qashqai e-Power, l'hybride réinventé, est à partir de 199€ par mois seulement, sans condition. Mais pour profiter de ce prix exceptionnel, il faut le commander en mars. Alors quand on veut, on peut, mais on doit faire vite. Nissan. Qashqai e-Power 2024 Ascenta avec option 9, LLD premier loyer 5 500€, puis 36 loyers 299€ si accordiac. Détail Nissan.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos bananes ont tout d'une très bonne banane. Mûres et goûteuses comme il se doit et souvent accompagnées d'une petite remarque du style. Tu sais qu'elles souffrent de l'autre côté en vrai, hein, tu le sais.

ce sera une belle journée, un bon week-end parce qu'on l'a décidé. M Radio. Et tout de suite, on retrouve Manon Bacourt pour les infos, la météo. Bonjour Manon. Bonjour Manon. Bonjour Isabelle, bonjour Vincent, bonjour à vous. Un peu de grisaille ce matin sur la Bretagne et la Normandie. Des pluies assez intenses persisteront près des Pyrénées, sur le Languedoc, partout ailleurs. Vous pourrez sortir vos plus belles lunettes de soleil et ce temps quasiment printanier se maintiendra cet après-midi. Ciel bleu sur les Hauts-de-France, la région parisienne ou sur Rhône-Alpes notamment. La pluie continuera de tomber autour du golfe du Lion. Les températures maximales atteindront 18 degrés à Marseille, 19 à Reims, 21 à Bordeaux. Gérald Darmanin en visite aujourd'hui à Vendin-le-Vieil. C'est dans le Pas-de-Calais. C'est l'un des deux sites retenus avec Condé-sur-Sarthe pour accueillir la future prison de haute sécurité. Les 200 narcotrafiquants les plus dangereux du pays y seront incarcérés d'ici l'automne. Je veux taper fort, a martelé le garde des Sceaux hier soir aux 20h de France 2. Il promet des sites inviolables avec un régime de détention très strict. Vendin et Condé sont déjà des établissements extrêmement sécurisés puisqu'ils accueillent des détenus très sensibles comme Salah Abdeslam, Redouane Faïd ou encore Mohamed Amara. Le ton continue de monter entre l'Élysée et le Kremlin. Emmanuel Macron affirme que Vladimir Poutine est un impérialiste révisionniste. Une réponse au président russe qui s'est lui aussi adressé à son homologue français hier en le comparant à Napoléon. Un contresens historique, rétorque Emmanuel Macron. Une déclaration qui s'est déroulée en marge d'un sommet européen exceptionnel hier à Bruxelles. Les 27 ont approuvé le plan de la Commission européenne pour réarmer l'Europe. 800 milliards d'euros vont ainsi être mobilisés pour renforcer les capacités de défense du vieux continent. Dans l'actualité également, la gare du Nord totalement paralysée ce matin. Une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale a été découverte à proximité des voies, entraînant une interruption totale du trafic. La circulation ne pourra reprendre qu'après la fin des opérations de déminage selon la SNCF. Les spermatozoïdes et les ovocytes issus de dons anonymes ne pourront plus être utilisés pour les FIV à compter du 31 mars. C'est la conséquence de la loi bioéthique entrée en vigueur en 2022 et qui fixe l'échéance à la fin du mois. Les couples pourront toutefois toujours utiliser leurs embryons existants. C'est ce qu'a assuré hier le ministère de la Santé. Précision, car des associations et des professionnels s'étaient inquiétés de la destruction potentielle de millions d'embryons stockés. Ceux conçus avant 2022 ne seront donc pas concernés. Et puis, en foot, l'OL a fait un pas vers les quarts de finale de l'Europa League hier soir en Roumanie. Victoire 3-1 sur la pelouse du Steaua à Bucarest. Ils sont là sur M Radio jusqu'à 10h. Vincent Cerutti et Isabelle Jamy. Merci Manon, à tout à l'heure. 6h10h, Vincent Cerutti et Isabelle Jamy. Et Lucas. Salut. Continuez à nous dire sur la page Facebook M Radio quelle est votre chanson des enfoirés préférée. On va lire vos commentaires. Exactement. Il est 9h04. On est ensemble jusqu'à 10h. Une nouvelle heure qui démarre sur M Radio avec Alizé et Gérald de Palmas. Détendez-vous, tout va bien. Rien ne doit jamais te forcer à rester. je m'appelle Lolita. Merci d'avoir choisi M Radio. Belle journée, bon vendredi, nous sommes le 7 mars. 6h-10h. M Radio. Le M Radio Réveil. Vincent Cerutti, Isabelle Jamy. Et ce matin, on se demande quelle est notre chanson des Enfoirés préférée. Ah mais c'est ça, ce soir c'est le concert des Enfoirés qui cette année a été enregistré dans le sud de la France à Montpellier. 53 artistes seront présents, 12 nouveaux d'ailleurs, Pierre Garnier, Joseph Kamel, Jane ou encore les frères Pongistes, Lebrun. Ah oui, c'est vrai, ils ont rejoint la bande. Exactement. J'espère qu'ils chantent bien. Hein. Ah oui, un CD ou un DVD vendu, c'est 17 repas, Isa, pour les Restos du Cœur. Ouais, donc n'hésitez pas à les acheter. Alors, les chansons préférées des Enfoirés, pour Chris, Carole et Bruno, c'est Le Monde de Demain. Et oui, Delphine, Christelle, Karine, Eva et Grégoire ont choisi la chanson des Restos, l'hymne, le premier hymne sorti en 1989 avec la voix de Coluche notamment, où il disait « Moi, je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien. » Bah ouais. Sans idéologie, discours ou baratin. Tu ne l'as pas, mon Lucas ? Sinon, on en met une autre, c'est pas grave. On l'a en tête, hein, on la connaît. On la connaît, bien sûr. Bah, il y avait même trop. Le choix de Yann, Tanguy et Sylvie. Un jour de plus au paradis, sorti en 2011. C'est juste un jour de plus pour vous. En fait, c'est une reprise de la chanson de Phil Collins, Another Day in Paradise. Ah, oh, you speak English very well. Thank you. Elle a été adaptée par Jean-Jacques Goldman, je crois, c'est ça ? C'est ça. Ah, voilà. Le choix de Paul, Rémi et Sarah, c'est Le Temps qui court. Et toujours le temps qui court. Ah, elle est géniale. Je l'adore. Elle est bien, cette reprise. Quel est votre hymne préféré des Enfoirés ? Donc, cette chanson d'Alain Chamfort pour Paul, Rémi et Sarah. Et on termine avec qui ? Avec Aurélie, Béatrice et Géraldine qui ont choisi Attention au départ. Attention au départ. Elle est bien cette chanson. Ouais. On a peut-être le temps pour une dernière finalement. Oui. Si l'on s'aime, si, c'est le choix de Julie, Sandra et Flavien. Elle est bien celle-là. Elle est bien, hein. On l'écoute ? Allez. On l'écoute, Les Enfoirés, c'est ce soir sur TF1. Événement évidemment à regarder, ça va encore être un carton d'audience. Voici Les Enfoirés, si l'on s'aime si. Ce soir, on voudrait bien changer le monde. Changer le cours des chances et des peines perdues. Ce soir, on voudrait bien pouvoir répondre à qui souffre en silence qu'on les a entendus. Mais sans céder, on veut la tentation de nos bonnes consciences. L'espoir, c'est de s'aimer, surtout s'aimer. Ce qui résiste au poison des indifférents. Bonjour, c'est Calogero. Yeah, c'est Soprano sur M Radio. M Radio. Découvrez leur titre Prends ma main en duo sur M Radio. Numéro 1 sur la chanson française. Des existences en panne d'essence, tassées en vrac sur un Zodiac, dans le ressac, des chaussures dans un sac. Est-ce un péché de repêcher des cris?